Je t'arrache ta mère, mais grâce au mien, je relativise. Mais si on refait nos lacets, l'heure d'après, on récidive. On se précipite comme si l'heure d'avant, non, restait rien passé. La vie de ma mère, hier encore, j'ai braqué 6 de pute. Il me raconte sa vie, que l'autre a baisé l'autre et l'autre qui veut ses thunes. J'appelle Kader, je lui dis ça va, il me répond, gros, c'est dur. Et moi, j'enchaîne, ça avance, ça dit quoi, la suite, la procédure. Pas vraiment que tu t'es trompé, trompette, rappelle quand j'ai failli tomber. Tant pis, tant qu'il y a du bif en jeu, je bombarde, j'ai passé la 5ème. N'est pas prêt à y venir, je dégaine, tu dégaines et nous dégainons. Ici, on fait la mort d'un traître avec un gros pérignon. Je trahirai jamais, jamais, jamais, je viens du bendo. Tu ne verras jamais, jamais retourner ma veste. Tu me verras défoncer sous Jack à bord du benzo. Benzo. On est rescapés de la tessie, on les baisse, tu sais. Jamais, jamais, jamais, je viens du bendo. Tu ne verras jamais, jamais retourner ma veste. Tu me verras défoncer sous Jack à bord du benzo. On est rescapés de la tessie, on les baisse, tu sais. Dangerous, la rue c'est dangerous, c'est dangerous. La rue c'est dangerous, dangerous. C'est dangereux, c'est dangereux. Hey, et dans un Clio 2, je parle avec Becca qui me parle de kilos de bœufs. Une ou deux, moi j'ai failli dériver, mais je pilote. Ça fait pas, dis-moi, t'as fait quoi? Dis-moi si c'est qui ces gars? On reviendra tout en noir, casque intégrale et la suite est grave. Il faut que je me canalise, la peur le paralyse. Je pars en Bretagne, concert et juste après, je repars à Nice. Pas trop dans la prime, je connais des voyous et des ghetto youths. Rien avec ceux qui bombent quand y'a le gyrophare sur l'autoroute, sinon tout roule. J'ai 19 ans et t'inquiète, je me débrouille. Troisième disque d'or, le PG guette ma Rolex dans la foule. Le temps c'est cool, avant que ce coup, faut qu'on prouve avant qu'on s'écroule. On éprouve que de la haine, fuck les mandats, numéro d'écrou. Je trahirai jamais, jamais, jamais, je viens du bendo. Tu me verras jamais, jamais retourner ma veste. Tu me verras défoncer sous Jack à bord du benzo. Benzo. On est rescapés de la tessie, on les baisse, tu sais. Jamais, jamais, jamais, je viens du benzo. Tu me verras jamais, jamais retourner ma veste. Tu me verras défoncer sous Jack à bord du benzo. On est rescapés de la tessie, on les baisse, tu sais. Dangerous. La rue c'est dangereux, c'est dangereux. La rue c'est dangereux, dangereux. La rue c'est dangereux, c'est dangereux.